Les porte-paroles de l'Association générale des Coréens en Chine et de sa filiale à Liaoning ont lancé chacun une communication pour exiger le renvoi des citoyens nord-coréens kidnappés et détenus de force par les autorités sud-coréennes. Ils ont souligné que si les autorités sud-coréennes respectent sincèrement la volonté des personnes intéressées, il faut renvoyer sans retard la femme Kim Deon-fi et 12 autres citoyens nord-coréennes dans leur patrie socialiste selon leur demande.